Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Que périssent les mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. À rien ne lui serviront ses richesses, ni tout ce qu'il a acquis. Il brûlera dans un feu aux flammes incandescentes. Ainsi que sa femme, porteuse de bois mort, et portant au cou une corde de fibres tressées.